Chapitre 31e. C'était la première fois que Madame Dalifard allait chez les Nélis. Il n'entrait pas dans ses habitudes, en effet, de rendre visite à ses amis. Elle les recevait chez elle, et était heureuse de les voir dans sa maison et à sa table, mais elle n'allait pas chez eux. C'était ainsi qu'agissaient les anciens rois, qui ne daignaient que rarement honorer par leur présence les châteaux de leurs sujets. Aussi Juliette fut-elle vivement surprise lorsqu'elle la vit entrer dans son atelier. « Madame Dalifard !»« Ah, ma pauvre enfant !» dit Madame Dalifard, se laissant tomber sur un siège. « La peinture est un métier que je n'aurais pas choisi. Il faut monter trop haut. » »« Ce n'est pas seulement la peinture qui nous force à demeurer au cinquième étage, » répliqua Juliette. « Et je crois bien que si je ne faisais pas de la peinture, nous serions obligés de demeurer plus haut encore. » « Je sais que vous êtes une brave jeune fille, et je vous estime pour votre ardeur au travail. J'aime les femmes qui savent faire œuvre de leurs mains. À ce propos, ou plus justement, sans aucun à propos, où est Madame Nélis ? Elle est sortie pour une heure. Cela se trouve bien, nous allons pouvoir causer toutes les deux. Car vous pensez bien que si je viens vous voir, c'est pour quelque chose d'important. Je n'ai pas l'habitude de perdre mon temps dans le milieu de la journée. » Si la brusque entrée de Madame Dalifard avait surpris Juliette, cette annonce d'un entretien sur un sujet important la rendit attentive. « Personne ne peut nous déranger ?» demanda Madame Dalifard. « Personne. »« C'est égal, fermez la porte au verrou, je vous prie. » Pendant que Juliette faisait ce qui lui était demandé, Madame Dalifard se débarrassait de son mantelet et de son chapeau, car si elle était habituée à ne jamais quitter ses gants, même pour écrire, elle était par contre mal à son aise dans des ajustements qu'elle ne portait pas d'ordinaire à son bureau. « J'ai eu un entretien avec mon fils hier soir, » dit-elle. « Vous en avez fait le sujet. Adolphe m'a tout dit. » Juliette ne répondit rien, mais elle baissa les yeux sous le regard de Madame Dalifard et son visage pâlit. « Il ne faut pas vous troubler, » continua Madame Dalifard. « Je ne viens pas à vous en ennemi. » « Et pourquoi, du jour au lendemain, seriez-vous devenue mon ennemie, vous, madame, qui, jusqu'à présent, nous avez témoigné tant d'amitié ? Croyez-vous que toutes les mères auraient pris la chose comme moi ? Et ne pensez-vous pas que plus d'une eût pu se fâcher terriblement contre vous ?»« Contre moi ?» dit Juliette, relevant les yeux et regardant Madame Dalifard en face. « Pourquoi cette mère se serait-elle fâchée terriblement contre moi ?» Vous me la donnez bonne en me posant ces questions. Comment ? Vous me demandez pourquoi une mère, après un entretien comme celui que j'ai eu avec mon fils, se serait fâchée contre vous ? Oui, madame, je le demande. Mais parce que mon fils vous aime, parce qu'un mariage a été arrêté entre vous sans mon consentement et à mon insu. Vous ne trouvez pas qu'il y a là de quoi fâcher une mère ? Votre sang-froid est prodigieux. Ce n'est pas du sang-froid, madame, c'est de la surprise. Plus que de la surprise, c'est de la stupéfaction. Ah, cela vous étonne que mon fils m'ait tout dit. C'est ce que vous appelez tout qui me surprend, et ce qui me stupéfie, c'est ce que vous venez de me répéter. Mon fils ne vous aime point, s'écria Madame Dalifard, qui commençait à perdre patience. Mon Dieu, madame, je ne sais pas ce que Monsieur Adolphe a pu vous raconter à mon sujet, mais avant que vous me le répétiez, je vous demande la permission de vous dire tout, moi aussi. Vous pourrez comparer ainsi nos deux récits et voir où est la vérité. Puisqu'une explication est entamée, il faut qu'elle soit complète. Il y a longtemps, d'ailleurs, que je désirais l'avoir avec vous. Et si je ne l'ai pas abordée encore, c'est pour ne pas fâcher Monsieur Adolphe. Vous voyez bien. C'est vous, madame, qui allez voir. Peu de temps après son retour à Paris, Monsieur Adolphe est venu ici. Un dimanche, interrompit Madame Dalifard, qui n'oubliait rien. C'était en effet un dimanche. À cette époque, je travaillais pendant toute la semaine au Louvre, et le dimanche seulement, je restais ici. Profitant d'un moment où nous étions seuls dans cet atelier, M. Adolphe me dit qu'il m'aimait depuis longtemps. Puis il ajouta que pour combattre cet amour, il avait consenti à voyager à l'étranger. Mais l'absence n'avait point affaibli son amour. Enfin, il termina en me demandant de devenir sa femme. Sa femme, comme ça, tout de suite. Et vous n'avez pas été surprise. Au contraire. Et le mot est même beaucoup trop faible pour exprimer le sentiment que j'éprouvais. Bien cela, bien. J'ai toujours dit que vous aviez le cœur haut. Vous avez dû être blessé d'une demande qui vous était adressée sans mon assentiment. C'est précisément ce défaut de consentement que j'ai représenté à M. Adolphe. Très bien. Je lui ai demandé si vous approuviez ce projet de mariage, et comme il ne me répondait pas, je lui ai fait observer qu'il n'était pas probable que dans votre position de fortune, vous voulussiez jamais accepter pour belle-fille une femme qui n'avait rien. Évidemment, cela n'était pas probable. D'un autre côté, je lui ai fait observer encore que quand même vous consentiriez à passer par-dessus la question d'argent, tout ne serait pas dit, et qu'il resterait encore la question de position. C'est-à-dire que vous étiez une femme de commerce et que moi j'étais une artiste, ce qui crée entre nous des incompatibilités de goût et d'habitude. Mais c'est très juste tout cela. Et qu'a répondu mon fils ? Qu'il obtiendrait votre consentement et que je ne savais pas ce que peut l'amour. Si ce ne sont pas les paroles mêmes de notre entretien, je vous affirme que c'en est le sens aussi exact que possible. Je vous crois, ma chère enfant. La vérité parle par vos yeux. Et c'est tout. C'est l'essentiel au moins. Vous m'avez promis de me dire tout. Je le veux bien. Je lui dis encore que je ne désirais pas me marier parce que j'aimais la peinture, que je ne voulais pas abandonner. Oh, pour cela ! Interrompit Madame Dalifard, qui trouvait que cette raison avait bien peu de valeur, si même elle était sérieuse. Je comprends, poursuivit Juliette, qu'il vous paraisse étrange de m'avoir préféré ma modeste position d'artiste à celle qu'un mariage avec votre fils pourrait me donner. Cependant, cela est. De plus, j'avais une raison encore pour parler ainsi, et je ne la cachais point à M. Adolphe. Je lui dis que j'avais pour lui une grande amitié, une estime véritable, que je le savais bon et généreux. Trop bon, trop généreux. Mais enfin que ses sentiments chez moi n'allaient pas jusqu'à l'amour. Et que par conséquent, il n'était pas assez fort pour me décider au mariage. Vous n'aimez pas Adolphe ? Mais que m'a-t-il dit ? Je ne sais ce qu'il vous a dit, mais je sais ce que je lui ai dit moi, et je vous le répète presque mot à mot. Ah, vous n'aimez point mon fils, vous ne l'aimez point. Disant cela, elle se leva brusquement et se mit à marcher de long en large dans l'atelier, les mains derrière le dos, la tête baissée. Depuis qu'elle avait commencé cet entretien, elle avait passé par les résolutions les plus contraires. En arrivant, elle était résignée à accepter Juliette pour belle-fille. C'était une nécessité à laquelle elle cédait, faisant ainsi la part du feu, abandonnant une partie de ses espérances, afin de conserver au moins la direction de son fils. En entendant Juliette exposer les raisons qui s'opposaient à son mariage avec Adolphe, elle s'était dit que tout n'était pas encore perdu. Et qu'en manœuvrant bien, on pouvait peut-être empêcher ce mariage qui n'était pas si avancé qu'elle l'avait craint. Enfin, en entendant Juliette dire qu'elle n'aimait point Adolphe, elle avait encore modifié ses dispositions. Ah, elle ne l'aimait point. Mais alors, si elle était sincère, et elle paraissait l'être, ce ne serait point une rivale. Qu'Adolphe aimât Juliette, peu lui importait. Il avait aimé d'autres femmes avant celle-là. Il ne s'était point inquiété de ces caprices changeants qui sont sans conséquence chez les hommes. Ce qui la touchait, ce qui la remplissait de joie, c'était que Juliette n'aimât point Adolphe. Elle serait donc seule à aimer son fils, seule à s'occuper de lui, à le diriger, à le dominer. Car enfin, la puissance en ce monde appartient à ceux qui aiment. Si cette puissance peut subir des affaiblissements, elle finit toujours par triompher. Pendant les premiers mois, Adolphe pourrait être entraîné par sa femme, mais bientôt il reviendrait à celle qu'il aimait véritablement, à sa mère. Rien ne serait changé à ce qui avait existé jusqu'à ce jour. Juliette ne s'intéresserait pas aux affaires, elle ne les connaissait pas, elle ne voudrait pas s'en occuper. On lui ferait une vie agréable et facile dans un beau nid qu'on lui construirait, et pour tout on lui demanderait d'avoir un enfant qu'on élèverait en vue de haute destinée. Elle était vraiment très belle femme, solide, saine. Elle leur donnerait un bel enfant. À cette pensée, Madame Dalifard s'arrêta dans sa marche et venant se poser devant Juliette, surprise, elle resta à l'examiner longuement. Du visage, son regard curieux descendit aux épaules, au corsage, aux bras. « C'est vrai que vous êtes jolie, » murmura-t-elle, « très jolie. Pourquoi avez-vous seulement les poignets si fins ? Dame, je n'en sais rien. On dit que c'est distingué. Moi, je les aimerais mieux plus gros. Cela vous donnerait plus de force. Ce ne sont pas les os qui donnent de la force. Les os sont la charpente. Mais cela ne fait rien après tout, et n'empêche que je vous trouve belle. Elle recommença sa marche silencieuse, mais en revenant sur ses pas, elle s'arrêta encore devant Juliette. C'est une fièvre cérébrale qui a enlevé votre père, n'est-ce pas ? Je crois plutôt que c'est le souci ou le chagrin. Et votre grand-père, de quoi est-il mort ? N'est-ce pas aussi d'une maladie cérébrale ? Je ne sais pas. J'étais trop jeune à ce moment. Et comme j'aimais beaucoup mon grand-père, on a commencé par me cacher sa mort aussi longtemps qu'on a pu. Depuis, on a évité de me parler de lui jusqu'au jour où, dans mon insouciance d'enfant, je l'avais oublié. Enfin, je le demanderai à votre mère, car nous avons des choses plus sérieuses que celles-là à dire entre nous. Il faut que nous soyons bien d'accord avant l'arrivée de Madame Nélis. À quelle époque voulez-vous que nous fixions votre mariage ? Mon mariage ? Oui, votre mariage avec Adolphe. Je vous donne mon consentement. Je n'ai point de rancune. J'oublierai les procédés d'Adolphe à mon égard, et je ne vous en rendrai point responsable puisque je vois que vous en êtes innocente. Le plus coupable de nous tous en cette affaire, c'est moi, qui n'ai pas compris qu'en réunissant de jeunes gens, ils devaient s'aimer et oublier la différence de position qui les séparait. Maintenant que le mal est fait, il faut le réparer. Mais, madame, vous ne voulez pas faire le malheur de mon fils, n'est-ce pas ? Eh bien, il faut que vous l'épousiez.